On apprenait tout récemment que Marie Plourde sera de retour à la barre de Love Story, une nouvelle saison qui apparemment devrait débuter à temps au nouveau TQS. Aujourd'hui, on se replonge dans le bain Love Story, gracieuseté de catastrophe. Bientôt à l'affiche. Des auteurs de films mémorables comme Biosphère et Porky. Avec tous les membres de Love Story 4. Un film profond. Qu'est-ce qu'il me fait? On était dans le lit, on était en train de parler, à un moment donné, il pète et il secoue de rats comme ça! Hey, non, c'est là, tu veux pas le un langage que tout le monde comprend. Les lofters vivent une autre aventure hors du loft. De nouveaux drames existentiels. Trop manger de jujube, là, j'ai de la misère à vivre. Et plusieurs intrigues sensuelles. Sébastien se prépare pour sa première relation sexuelle à 25 ans. Va falloir vraiment que je prostitue ma personne. Et sa honte après baise. J'ai un plaisir fou. Et son penchant pour les vibrateurs en métal. Une pénétration de stainless dans la bouche, c'est winner. Élodie découvre que c'est anormal de faire rire d'elle pendant l'acte. Mettons là, si vous avez genre mettons un orgasme là, est-ce que vous partez à rire après? Non. Non. Après 70 jours en vase clos, la nouvelle vie des lofters et leur traumatisme. Élodie au bureau des licences attend pour faire renouveler son permis. Donc j'étais d'autant plus nerveuse, mais quand elle a nommé mon nom là. Je cherchais à avoir un moment à moi, là, cette semaine. Là. Puis regarde, je viens d'avoir le plus beau moment de ma vie. Christelle a encore mal aux fesses après s'être fait botter en dehors du loft. Ça se déroule très durement. J'aurais pas pensé que ça serait si intense que ça, ce qu'on ressent quand on s'assied sur la chaise. Depuis tantôt, là, j'essaie de penser à d'autres choses puis faire le vide dans ma tête, mais c'est comme pas possible. Et Sébastien a reçu l'appréciation des gens de l'extérieur. J'ai aimé vraiment ce coup foudroyant qui m'a claqué à la gueule. J'ai jamais connu cette sensation dans la bouche. Bientôt sur vos écrans. Le film, c'est la série qui colle à l'écran comme de la visite qui veut pas partir. Je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux rester, je veux rester. Un film rempli de vérité. Il est pas beau, Sébastien, on va te dire, ouais. OK? Buff Story. C'est de la merde.